En Corée du Sud, le journal d'internet sud-coréen Tazo Sibo fait savoir que le 18 avril, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté a tenu une conférence de presse devant le siège du parquet pour demander catégoriquement à l'agence de renseignement de révéler le dessous de la création d'une formation démagogique réunissant des civils et de la diffusion des fausses rumeurs dans la société coréenne en leur donnant de l'argent. D'autre part, les membres de la fondation commémorative du 18 mai, du Conseil des familles des méritants pour la démocratie du 18 mai et de l'Association des blessés du mouvement pour la démocratie du 18 mai se sont réunis le 20 avril devant la maison du traître Jeon Doo-hwan à Séoul pour réclamer l'annulation de ses mémoires niant son crime de massacre à Gwangju.